Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Loué soit le Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen. Now, the Lord has spoken with me. Amen. Maintenant le Seigneur a parlé avec moi. The Lord Jehovah Elohim. Jehovah Oseno. Le Seigneur Jéhovah Elohim, Jéhovah Oseno. Jehovah Adonai. Jéhovah Adonai. Jehovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jehovah Rohi. Jehovah Rohi. Jehovah El Olam Elyon. He has spoken with me today. Jehovah El Olam Elyon. Il a parlé avec moi aujourd'hui. What is coming to Mexico. Sur ce qui vient au Mexique. And also what is coming to South Africa. Et aussi sur ce qui vient en Afrique du Sud. In the conversation of this day. Dans la conversation de ce jour. The Lord took me to Mexico. Le Seigneur m'a emmené au Mexique. There was a lot of activity in Mexico. J'ai pu voir beaucoup d'activités au Mexique. A lot of immorality in Mexico. Beaucoup d'immoralité au Mexique. The dressing of the women, the young men. L'habillement des femmes, les jeunes gens. And just the general behavior. Et juste le comportement général. People immoral walking around. Des gens immoraux qui se promènent là. There's a lot of immorality. Il y a beaucoup d'immoralité. And lack of godliness. Et un manque de piété. And also, the Lord showed me the people of Mexico mocking God. Et aussi, le Seigneur m'a montré les gens du Mexique en train de se moquer de Dieu. I see these particular people mocking God. I see also broadcasting on something that is looks like he's mocking God. I don't know what program it is, but look like I had the voice say satire. Je vois ces gens particuliers qui se moquent de Dieu. Je vois aussi une émission où ils ont l'air de se moquer de Dieu. Je ne sais pas quel programme c'est, mais ça ressemble. J'ai entendu la voix dire satire. And then after that, the voice of the Lord spoke judgment to Mexico. Et ensuite, après cela, la voix du Seigneur a donné un jugement sur le Mexique. In this dream. Dans ce rêve. After showing me the people. In their immorality. Après qu'il m'ait montré les gens dans l'immoralité, the church is full of false apostles, false prophets. L'église est pleine de faux apôtres, de faux prophètes. And a lot of deception, the gospel that keeps the church away from righteousness. Beaucoup de tromperies, l'évangile qui tient l'église à l'écart de la justice. The gospel that hides away holiness from the sheep. L'évangile qui cache la sainteté loin des brebis. From the population, from the land. De la population, du pays. And a lot of false apostles and false prophets in Mexico. Et beaucoup de faux apôtres et de faux prophètes au Mexique. In the evangelical churches, the Baptist churches, the Pentecostal churches, and then also Catholicism. Dans les églises baptistes, les églises évangéliques, les églises pentecôtistes et aussi dans le catholicisme. And all their practice, the Lord spoke against all these religions there. Et toutes leurs pratiques, le Seigneur parle contre toutes ces religions là-bas. And then the climax of it is, et ensuite, le point culminant de cela, c'est that I had these people who are telling me that, et ensuite, j'ai entendu ces gens dire que look, they are broadcasting some satire against the Lord. Voyez, ils publient des satires contre le Seigneur. And then I realized that this satire was also against the servant of the Lord. Et ensuite, j'ai réalisé que ces satires était aussi contre le serviteur du Seigneur. In Mexico. Au Mexique. And then after that, the voice of the Lord spoke judgment in that dream. Et ensuite, après cela, la voix du Seigneur a donné un jugement dans ce rêve. Then I saw historic floods come to Mexico. Une inondation historique vient sur le Mexique. Historic flood so big. Une inondation historique si grande. So big, restaurants, shops, what people now could not access. Si grande, les restaurants, les boutiques, quoi, les gens ne peuvent pas accéder. To the extent that people could not access their homes and their businesses through the front doors. Au point où les gens ne peuvent pas accéder à leur maison et à leur commerce par la porte de devant. I see people using spiral stairs now. Je vois des gens utiliser l'escalier en spirale maintenant, which is the exit route, qui est la sortie de secours. In case of a fire from their homes, from their offices, into such a situation in Mexico. En cas de feu de leur maison, de leur bureau, c'est une telle situation au Mexique. So there is a judgment of the Lord that is coming to Mexico. Donc, il y a un jugement du Seigneur qui vient sur le Mexique. Because of the ungodliness that has been established in that land. À cause de l'impiété qui a été établie dans ce pays. The Lord is speaking with me, has spoken with me now about Mexico. Le Seigneur parle avec moi. Il a parlé avec moi sur le Mexique. And the judgment of God, the Lord Jehovah, is coming to Mexico. Et le jugement de Dieu, le Seigneur Jéhovah vient au Mexique. Because of immorality in the land. À cause de l'immoralité dans le pays. The women are walking almost nude in that country. Les femmes marchent presque nues dans ce pays. There's so much prostitution, homosexuality and all these things. Il y a tellement de prostitution, d'homosexualité et toutes ces choses. And so the Lord has decided that this is the hour to bring judgment over Mexico. Et donc le Seigneur a décidé que c'est l'heure d'amener le jugement sur le Mexique. And when the judgment does happen, floods come. Et quand le jugement arrive, l'inondation arrive. There's a lot of people in deplorable conditions, water flows. Je vois beaucoup de gens dans des conditions déplorables, l'eau coule. Flood their homes. Their businesses, especially a lot of businesses, the restaurants. Inondent leurs maisons, inondent leurs commerces, spécialement beaucoup de commerces, les restaurants. And people are trying to get evacuated. People cannot access their homes also. Et les gens essayent d'être évacués. Les gens ne peuvent pas accéder à leur home aussi. They're using the spiral stairs, the metal that is put for exit outside. Alors, ils utilisent les escaliers en spirale, en métal, qui sont mis pour la sortie à l'extérieur. Qui sont normalement derrière. Ils ne peuvent pas accéder à leur maison par la porte de devant. And tremendous, very massive destruction. Une énorme destruction, très massive. In another conversation, I have seen South Africa. The Lord has spoken with me about the nation of South Africa. Dans une autre conversation, j'ai vu l'Afrique du Sud. Le Seigneur a parlé avec moi sur la nation d'Afrique du Sud. And I see the judgment of the Lord coming towards South Africa. Et je vois le jugement du Seigneur venir vers l'Afrique du Sud. I see tension. The Lord took me there. And I could see up there a clash. Je vois des tensions. Le Seigneur m'a emmené et je vois là-haut des combats. A clash between, I think, Zulus and some people. Un combat entre, je pense, les Zulus et quelques personnes. There's going to be ethnic clashes in South Africa. Il va y avoir des combats ethniques en Afrique du Sud. I don't know whether it's going to be a form of xenophobia, but je ne sais pas si ça va être une forme de xénophobie. Mais I see ethnic clashes. I hear Zulu. Je vois des combats ethniques. J'entends Zulu. So there's a clash between different ethnic groups. Donc il y a un combat entre différents groupes ethniques. And I see people hitting at each other, fighting each other. Et je vois des gens se frappant les uns les autres, se bagarrant les uns les autres. It's very violent when the Lord shows me up the hill. C'est très violent quand le Seigneur me le montre sur la colline. And then it spreads all the way down. The Lord takes me to South Africa. Et ensuite, ça se répand jusqu'en bas. Le Seigneur m'emmène en Afrique du Sud. So I also run for my life. They're looking for a particular ethnic community. These are ethnic clashes in South Africa. Donc, je cours aussi pour ma vie. Ils cherchent une communauté ethnique particulière. Ce sont des combats ethniques en Afrique du Sud. And I run for my life as those people spread. Et je cours pour ma vie, comme c'est supposé se propager. Spread now of ethnic clashes in South Africa. La propagation maintenant des combats ethniques en Afrique du Sud. And the Lord has spoken very clearly when I was in South Africa in Durban. Et le Seigneur a parlé très clairement quand j'étais en Afrique du Sud, à Durban. That the church in South Africa needs to mobilize a national repentance. Que l'Église en Afrique du Sud a besoin de mobiliser une repentance nationale. And prepare for the coming of the Messiah. Et de se préparer pour la venue du Messie. The church in South Africa, the few pastors I talked to when I was there. L'Église en Afrique du Sud, le peu de pasteurs avec qui j'ai parlé quand j'étais là-bas. I made it very clear that this message is not negotiable. Je l'ai fait très clair que ce message n'est pas négociable. It is about the coming of the Messiah, and it's a message of love. Ça concerne la venue du Messie et c'est un message d'amour. That the Lord can ask us to return to righteousness. Que le Seigneur puisse nous demander de revenir à la justice. A threshold that must be scored for the kingdom of God. Un seuil qui doit être marqué pour le royaume de Dieu. And so I see a very, very severe ethnic distress coming to South Africa. Donc je vois une détresse très très en série venir en Afrique du Sud. You see people running and so forth. The Lord puts me there. I run for my life also. Je vois des gens courir ainsi de suite. Le Seigneur m'a mis là. Je cours pour ma vie aussi. And so this is what the Lord is saying at this time, even as we sit on the verge of a major, major, major visitation in Nakuru, Kenya. Et alors, c'est ce que le Seigneur dit en ce moment, même que nous sommes assis au bord d'une méga, méga visitation à Nakuru, Kenya. The Messiah is coming, and this is the hour to celebrate righteousness and holiness. Le Messie vient. Et c'est l'heure de célébrer la justice et la sainteté. If there's any hour at which to abandon every other cause, s'il y a une heure où abandonner toute autre cause, and just pursue holiness, et juste poursuivre la sainteté, this hour to teach it to your children in Mexico, in South Africa, and globally, c'est cette heure pour l'enseigner à vos enfants au Mexique, en Afrique du Sud, dans le monde entier. Teach it to your wife, teach it to your husband. Enseignez-la à votre épouse, à votre mari. Teach it to your brothers, teach it to your church. Enseignez-la à vos frères, enseignez-la à votre église. Teach it to the land, because it will for sure be beneficial. Enseignez-la au pays, parce que pour sûr, ce sera bénéfique. To focus and invest on righteousness and holiness at this hour. De se concentrer et d'investir dans la justice et la sainteté en cette heure. The history of the church. Remember, I have seen the coming of the Messiah. De l'histoire de l'Église. Souvenez-vous, j'ai vu la venue du Messie. I have seen the Messiah come for a holy church. J'ai vu le Messie venir pour une église sainte, a glorious church. Une église glorieuse. And the Bible speaks very clearly in Daniel chapter 12. Et la Bible parle très clairement dans Daniel chapitre 12, verse 1 on, before he celebrates the taking up of their sleep in Christ Jesus. Chapitre 1 et suivant, avant qu'il parle de l'enlèvement de ceux qui dorment en Jésus-Christ, those for whom he prepared rooms in heaven. Ceux pour lesquels il a préparé des chambres dans les cieux. The Lord went to prepare rooms in heaven. Le Seigneur est allé préparer des chambres dans les cieux. Before they are taken, the Lord talks about this preamble. Avant qu'ils soient enlevés, le Seigneur parle de ce préambule. Of this introduction of great historic distress. De cette introduction de cette grande détresse historique. that will consume the nations, that does consume the nations. Qui consumera les nations, qui a consumé les nations. And he says, after that, then there is the taking up of the saints. Et il dit, après cela, alors il y a l'enlèvement des saints. When the distress now escalates beyond. Où la détresse maintenant s'intensifie au-delà. When the church has been taken up. Quand l'église a été enlevée. May the Lord be blessed. Shalom. Que le Seigneur soit béni. Shalom.